إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب نواصل ما شرع لنا الباب الماضي. الحمد لله شيء قد فهمته parce qu'il touche au tawhid et ses aqsam. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الفناء وأقسامه. في الفناء وأقسامه، الفناء هي كاتيجوري. قال: الفناء لغة الزوال، qui veut dire disparition. مثلا كفي كل عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Que toute chose sur la terre, c'est-à-dire disparaîtra, est amenée à disparaître, à être anéantie, et ne restera que le visage de ton Seigneur. Zul Jalal wal Ikram. Ar-Rahman, surat 26 à 27. Donc là, c'est le manalo raoui. Fa'an, c'est l'ismo fa'il de Fanayafni, qui veut dire tout est amené à disparaître. Au fil stilaire, salastu aqsam, c'est-à-dire quand les gens ils en parlent, les gens ont trois sens sont donnés à ce terme-là. Al-fina. Awalen, dini wa shari. Premier, c'est un sens qui est légiféré, qui est correct, qui est religieux. Wa huwa al-fina an iradat al-siwa. Ay an iradat ma sawallahu azza wa jal. C'est-à-dire que tu ne veux que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu fais comme acte. Tu ne vises que son agrément, tu ne veux que lui. Ce qui amène à l'ikhlas et qui amène à ibtal al-shirk. Également dans sa sharia, ce qui amène à la sunnah, le délaissement de la bid'a. Et également qui amène à sa ta'a, qui est le délaissement de la ma'siya. Tamam, qui amène également au tawakkul, au délaissement d'autre que lui. Donc le abd, قال حقيقته انشغال العبد بما يقربه الى الله عز وجل. C'est que le abd se préoccupe de ce qui le rapproche de son Seigneur. Et tout le reste, il le délaisse. Et ce fina shari est celui par lequel sont venus les rusul. ونزلت به الكتب وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Donc là, c'est par là qu'on obtient les masalih pour la dunya, pour l'akhira, ce par quoi sont venus les messagers, ce par quoi sont descendus les kutub. Allah Azza wa Jal, dans le sens, il dit: celui qui veut l'akhira et qui s'y hâte, s'y efforce, et qui les croyant, ceux-là, leurs efforts seront récompensés. Donc Allah Azza wa Jal, surat al-Isra, ouvrage nocturne, verset 19. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Et celui qui œuvre dans le bien comme homme ou femme et qui est croyant, alors nous lui accorderons une bonne vie et nous lui accorderons sa récompense, et encore mieux que ce qu'il a appliqué, qu'il avait comme œuvre. Surat Nahl, les abeilles, verset 97. Donc cela n'est valable que pour le mu'min, pas pour le kafir. Car il se peut que le kafir fasse une œuvre salih. Dans le sens, à la base, c'est une œuvre qui est bonne. Maintenant, l'œuvre du kafir n'est pas acceptée. Faqal, hadha wa ذوق الإيمان الحقيقي الذي لا يعادله الذوق. Donc ça, c'est vraiment le goût, la saveur de la foi réelle. Comme a déjà fait Sahihain, an Anas bin Malik, قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Donc trois choses, celui qui les aura trouvées aura goûté à la saveur de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَيُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que quiconque en dehors, nous deux. Et qu'il n'aime la personne ni l'aime que pour Allah, et qu'il détesterait retourner dans le couf après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté au feu. Donc là, Shahid, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Également, qu'il n'aime la personne ni l'aime que pour Allah. Donc ça, c'est le premier. Quand on entend ce sens, ce terme fina, dans ce sens-là, il est sahih. D'accord ? Il est sahih. La traduction, la traduction. Fina, là. Il a donné le sens. Zawal, c'est la disparition. Après, il a donné, expliqué le sens par une phrase. Ça ne se traduit pas en un mot, ça. Mais c'est en fait, tu fais disparaître tout ce qui est en dehors d'Allah, du moins tout ce qui amène à ce que autre Allah il veut. Yani, c'est le sens qu'il a pris à travers le char qu'il a fait. Donc tu dis fin, hein, bes. Ma'atesh, yani. Si la hâte comme ça, il ne faut pas le traduire, de toute façon. ثم قال القسم الثاني صوفي بدعي. Donc là, les soufis, quand ils parlent de fina, ils ont un autre sens. Car c'est un terme qu'ils emploient également. فينا عن شهود السوا أي عن شهود ما سوى الله تعالى. C'est-à-dire que dans son lui, il, je ne sais pas comment on dirait ça, il renie toute chose en dehors d'Allah. D'après lui. Là, la première catégorie, c'est de renier tout ce que Allah ne veut pas. Tout ce qui est batil. Et que tu ne consacres tes efforts et tes ibada et tous tes actes que c'est ce qui te rapproche d'Allah. Eux, maintenant, c'est tout. Pour eux, il n'y a que Allah qui compte dans le sens et tout le reste, ils n'en ont rien à faire, mutlaqan, d'après eux, dans leur cœur. Il n'y a de la place que pour Allah. Alors que, comme tu le sais, on a des sentiments en nous qui sont là, comme l'amour pour nos proches, des choses qu'on peut avoir, des attaches qu'on peut avoir. Eux, ils renient tout cela, d'après eux. Et ça, ce fina qu'ils ont, il est bid'i. Car les messagers ne sont pas venus avec ce fina-là, d'une part. Également, ce n'est pas sur ce fina-là qu'étaient les sahaba, les gens qui étaient dotés d'un iman parfait, comme Abu Bakr, radiallahu anhu, ou ghayruhu. Lam yakunu ala hadha, abadan. Et le shir dit que hadha al-fina, que ce fina-là t'emmène à devenir comme un fou, comme un quelqu'un qui a perdu la raison. Quand il se met à dire des choses, yani, des chatahat, qawliya wa fi'liya wa mukharafat al-shara, il tombe dans des choses ahurissantes et totalement absurdes. Et dans les bid'ah, kazalik. Il dit, مثلا, parmi les qu'ils disent, yakul an Allah. ما في الجنة إلا الله ويقول أنصب خيمتي على جهنم نحو ذلك. Il fait un tasbih pour lui-même, disant le Jannah il n'y a que Allah. Il dit je fais ma tente, je construis une tente sur le Jahannam, c'est-à-dire tellement je suis avec Allah que il n'y a rien qui ne m'atteint. Fahim ta'ala takriban. Et ça tu as trouvé chez les soufis. Donc si tu entends les soufis parler de fina, هذا قصدهم ولا الأول. ثم قال القسم الثالث فينا الإلحاد كفري. Là c'est une compréhension du fina qui est mécréante. هذا يسمى بوحدة الوجود. En fait, que n'y a rien qui existe si ce n'est Allah. Tout ce qui existe que tu vois là, tout ça c'est Allah. En dehors du Khaliq, il n'y a rien qui existe. On appelle ça Wahdat al-Wujud. L'unicité de l'existence, que tout est Allah. Donc quelqu'un va te dire, مثلاً, que tu es Allah, je suis Allah. Il va dire, le calque que tu vois là, c'est Allah. Le khindir que tu vois là, c'est Allah. Tout ça, c'est Allah. Wali'azu billah. Parmi ceux qui ont été apparentés à cette doctrine, tu as Ibn Arabi, Amam, le Soufi, qui est un murted. C'est Ibn Arabi, sans L. Amal Bi'el, c'est le Maliki, le Ma'louf, l'imam, dont on prend le livre là, actuellement, dans Ahkam al-Qur'an, Wal-Zalika. Et tout cela sont des koufars. Hum akfar min al-Yahoud al-Nasara. Akfar min al-Yahoud al-Nasara. Donc pour eux, le Rab ou l'Abd, Shenu Wahid, c'est la même chose. La nourriture que tu manges et celui qui mange, c'est une seule même chose. Le Qadi, مثلاً, le juge et la personne qui juge, c'est une seule même chose. La chose que tu vois et toi, n'est qu'une seule même chose. Et tout cela, c'est Allah. Donc, هذا بنفسه ما يحتاج إلى على شيء واضح. فهمت؟ بطلان ذاك الشيء واضح جدا. ثم قال فصل. لا يبارد وراء الجبراء. نفس صلى. قال لا يتم الإسلام. Là, on a résumé hein, également ce qu'il a dit là. On a résumé à l'essentiel. لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل. Donc maintenant que l'islam, aucun islam ne se complète tant qu'il n'y a pas un désaveu de ce qui est en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors de l'islam. Comme l'a dit Ibrahim, alayhi salam, قال عز وجل وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Parce qu'Ibrahim l'a dit à son père et à son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez. Hormis celui qui m'a créé, car il me guidera. Il en a fait une parole qui restait dans sa descendance, afin qu'il revienne, les autres. L'ornement, versets 26 à 27. وقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون أو إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والعداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Lorsque vous avez un bon exemple en Ibrahim et son peuple, ou plutôt Ibrahim et ceux qui ont cru avec lui, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous nous innocentons de vous, de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et nous mécroyons en vous et l'animosité entre nous et vous a commencé et demeurera à jamais jusqu'à ce que vous adoriez Allah seul. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre comme allié. En leur accordant de l'amour, alors qu'ils ont mécru en ce que vous êtes venu comme vérité. Al-Mumtahina, l'éprouvé, verset 1. Wa qala Allahu ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattakhidhu al-yahudu wal-nasara awliya, ba'dhuhum awliya u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin, fatara al-ladhina fi kulubihim maradun yusari'una fihim, yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. فَعَسَى اللَّهُ يَأْتِيَا بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا وَلَا مَا صَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens en alliés, comme alliés. Certains sont alliés les uns aux autres. Et celui qui s'allie à eux fait partie d'eux. Celui qui s'allie à eux parmi vous fait partie d'eux. Et Allah ne guide pas le peuple d'injustes. Et dit, tu vois ceux qui ont une maladie dans le cœur, se précipiter vers eux, en disant que nous craignons d'être atteints par le mauvais sort. Alors qu'il se peut que Allah vienne avec le secours ou un décret de sa part, alors ils deviendront à ce moment-là, ils regretteront ce qu'ils ont fait au fond d'eux. والأدلة كثيرة على الوراء البراء. المائدة verset 52. قال البراء نوعان. C'est le bara'a des aveux de deux sortes. Al-awwal bara'atu min amal. En premier lieu, tu désavoues l'acte du faux. Ma'asiyah, bid'a, kufr, awalan, wa ghayr dhalik. Al-thani bara'atu min amal. Et tu désavoues celui qui commet l'acte. Car des gens, ils ont cette shubuhat. En disant, nous, on aime la personne, mais on déteste l'acte qu'il a commis. On dit là, al-bara'atu yakun min al-shakhs wa min al-amal. Min al-shakhs allazi waqa'a fima yajib al-bara'atu minhu. Ama allazi zallat qadamu ala shay'in akhar. Celui, مثلا, qui est connu pour l'istiqama, mais qui a fait une erreur, zallah, malgré lui, c'est autre chose. وَمَنْ لَمْ تُكَمَ لِي الْحُجَّةِ مِنْ الْإِسْلَامِ كَذَلِكِ. On ne fait pas les mu'amalat de quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Donc là, on doit faire le désaveu de tout acte qui est muharram, qu'il soit du kufr ou moindre que cela. Enfin, le croyant se désavoue du shirk, du zina, de fornication, de l'alcool, du fait de boire de l'alcool, du fait qu'il n'agrée pas cela, ne le cautionne pas et ne l'applique pas. Car le fait de l'agréer et de le cautionner, afin, ou de l'appliquer, cela s'oppose à ce que Allah il agrée. قال واما البراء من العمل فان كان عمله كفرا وجبت البراءه منه بكل حال ومن كل وجه لما سبق من الايه الكريمه ولانه لم يتصف بما يقتضي ولاؤه. Par contre, maintenant, en ce qui concerne le fait de désavouer la personne, si aimer son œuvre, c'est du kufr, alors lui, on se désavoue de lui totalement. Mutlaqan. Par preuve des versets cités précédemment. Donc le kafir, tu ne peux pas l'aimer. Il ne peut pas être ton ami. D'accord ? Et maintenant, on a dit, istisna, c'est quoi ? Al-mahabba et tabi'iyya pour les proches. Là, on parle de al-mahabba shari'iyya maintenant, là. Ah, mais en dehors des proches ou quoi? C'est une chose qui est naturelle, car Allah l'a mis en toi. Tu ne peux aimer un kafir. C'est pas possible. Tu t'entends bien avec lui. C'est ton ami. Vous respectez. Quand on dit respecter, un respect dans le sens qui amène à une affection. Ah, mais maintenant, moi, respecter ses droits. Ses droits, c'est autre chose. Yalzem. Il a des droits, le kafir, même sur toi. Moi, je parle du respect que des gens, ils ont comme amis, tu vois. C'est-à-dire, tu ne blâmes pas ce qu'il fait. Tu fais pas de calomnie car. Quand tu fais quelque chose, non, laisse-le et tout. Faut le respecter. Salam, je sais pas, il fait du couvre devant toi. Tu dis, non, laisse-le, faut respecter ce qu'il fait. Il a le droit de faire ce qu'il fait lui aussi. Ce genre de kalam qui est baratil. Qu'on trouve chez beaucoup de gens à cette époque. Donc, le kafir, al-bara'atu minhu takun tamma. Sur tous les wajj. Ou en kana amaluhu dun al-kuf, wajabat al-bara'atu minhu min wajjin dun wajj. Fayuwala bima ma'ahu min al-iman, wal-amal salih. Donc maintenant, si ces actes sont autres que du kufr, elle est par quoi les ma'asi, alors il est obligatoire de désavouer justement une partie de ce qu'il a, mais pas tout. C'est-à-dire que on s'allie à lui partiellement pour l'iman qu'il a en lui, le mu'min, et en même temps, on se désavoue des actes qu'il commet et de lui également une partie pour ce qu'il fait comme mal. Car le fousouk, yunafi asl iman. Ces choses-là s'opposent à la base de la foi. Kemin adilla zakara al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, que cela s'oppose à la foi. Comme a qala mathalan, sibab al-muslim fousouk wa qital ou kufr. Le fait d'insulter les muslims, c'est du fisq, perversion. Et le fait de le combattre, c'est du kufr. Mais maintenant, c'est quoi comme kufr? Asghar, et pas akbar. Parce que des gens, ils renient ce taksim, du kufr akbar ou asghar. Ils disent non, kufr, c'est mutlaqan, c'est un kafir. Donc on leur dit, ma kulukum fi kulli azza wa jal, wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu, fa aslihu baynahuma, fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Que si deux groupes de croyants se combattent, alors réconciliez entre les deux. Et si l'un des deux groupes, yani lèse l'autre, alors faut combattre celui qui lèse, celui qui est injuste, jusqu'à ce qu'il se soumette à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais cela se fait, alors à ce moment-là, il faut réconcilier entre eux avec la justice. Car Allah, il aime les gens justes. Et que les croyants, juste les croyants sont des frères. Donc le shahid, wa in ta'ifatan min al-mu'minin, si deux groupes de croyants. Et après ça, dans le hadith, on a pris quoi? Qital ou kufr. Donc cela démontre quoi? Allah les a pris croyants. Que ce qital, c'est du kufr asra. Et des hadiths, on a plein là-dessus. Et où le hammam? Là, on a un isbet. Là, plutôt, on a itlaq. C'est un itlaq, ça. Là, c'est un itlaq qu'on a. Là, on a quoi? On a un isbet, siyak. On a un akirof, siyak, isbet. Une chose qui est indéfinie dans une phrase affirmative. Ça, c'est quoi? Itlaq. C'est pas du hammam. Donc, il dit que cet acte commis qui a été appelé kufr n'est pas un kufr qui ôte al-ukhuwa al-islamiyya. Donc la personne, on l'aime en mesure de son istiqama. Par contre, le mubtadi', les ulama, ils disent, lui, la nukafiruhu, la shaykh, c'est pas un kafir, lakin la nuhibbu. On va pas dire, oui, on l'aime pour son iman. Le mubtadi', on dit, on l'aime pas, c'est tout. Akada yuta'amal ma'ahu. C'est pas un kafir pour nous. C'est sûr qu'on ne déteste pas qu'on va détester un kafir. Mais on dit pas, on l'aime pour son iman. On dit rien du tout. On dit, la nuhibbu. La nuhibbu. Fakat. Car des gens, ils disent, non, mais c'est aussi un croyant. Mais c'est le bida. Na'am, c'est un croyant. La nuhibbu. Fakat. Cherche pas à trouver un... Je sais qu'à un moment, je crois que j'avais dit ça, le contraire, à l'époque, j'ai pas encore appris la mas'ala. Il se peut que j'ai dit la parole opposée, c'est, mais j'ai dit ça, c'est une erreur de ma part. C'est au début. Car le vrai du kalam, il l'amène à ça. Et après, avoir connu les écoles du ulama là-dessus, il n'y en a aucun qui dit on l'aime pour son iman. On dit, on ne l'aime pas, c'est tout. On le déteste. Maintenant, on ne le déteste pas comme un kafir. Tu vois? كما سئل الإمام أحمد عن يزيد بن معاوية الذي لا نسبه ولا نحبه. فهمت؟ Je ne l'aime pas, on n'insulte pas, on ne l'aime pas. C'est un mot important. Il n'a pas dit نحبه بما فيه من الإيمان وكذا وكذا. لا نحبه. قال. Les salafs, ils ont pas d'accord comme ça. Pourquoi on fait le hajr à Mubtadi'? قال النبي صلى الله عليه وسلم de l'enseigner que le passage salam une asbab al-mahabba parmi les causes qui amènent à l'amour. Donc le mubtadi', on ne passe pas salam. Pourquoi? Pour ne pas avoir d'amour pour lui. On ne lui parle pas, on ne le visite pas, on le délaisse. Fahimta hadha? Naam. Et bien évidemment aussi, j'ai oublié de préciser que dans le bab du wal al-bara, Cheikh al-Fawzan, dans son livre al-wal al-bara de l'islam, a dit que les gens dans l'amour et le désaveu, sont les trois catégories. Celui qu'il est obligatoire d'aimer, comme les Rasoul et les Moustaqimin. Celui qu'ils sont obligés de détester totalement, les Koufars et les Mouchidakin. Et ceux qu'on aime pour l'iman qu'ils ont, et en même temps les détestent pour leur ma'asi, comme les Foussaq. Et eux, l'amour varie en fonction de leur istiqama. Mais il n'a pas cité de Mubtadi', kadhalik. Al-Fawzan, dans ce taqsim qu'il a fait, il n'a pas cité de Mubtadi'. C'est un arkif on a l'yom, inshallah. Je voulais rentrer dans l'autre bête, mais en fait, on ne va pas le prendre. On prendra demain, inshallah. فاليوم أخذنا ما يتعلق بالولاء البراشي ينمى on a des dourous plus détaillés qu'on a que de qu'on a fait du kitab de Cheikh Fawzan par rapport à ça et on a pris chez un mais ma yatalak bi al fina كذلك مفهوم هذا فإلا هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك